il tenait à sa tranquillité autant qu'à ses plaisirs. Et il se demandait déjà comment il allait s'y prendre pour se tirer à l'écart d'une affaire, qui pouvait se terminer devant une cour d'assises. Il lui en coûtait pourtant de se désintéresser des malheurs qui menaçaient la marquise, et de renoncer à pénétrer le mystère de l'existence en partie double du soi-disant marquis Paul Cormier. Le vicomte ne savait vraiment que penser de cet étudiant qui jouait, et pas trop mal, le rôle d'un marquis de la vieille roche. Étudiant il l'était. Le vicomte n'en doutait pas depuis qu'il l'avait surpris aux Champs-Élysées, causant familièrement sur un banc avec un grand gaillard à chapeau pointu, qui, l'avant-veille, menait le branle des pochards à la closerie des Lilas. Brunachon, d'ailleurs, affirmait le fait, et Brunachon devait le savoir, quoiqu'il se fût dispensé de dire comment il le savait. Cet étudiant était-il l'amant de Madame de Ganges? Tout semblait l'indiquer. Monsieur de Servan l'avait vu arriver avec elle chez la baronne d'Ozulé. Il l'avait entendu annoncer sous le nom du marquis, et elle s'était prêtée à cette supercherie puisqu'elle n'avait pas réclamé. Fallait-il donc supposer qu'elle espérait le faire passer indéfiniment pour son véritable mari, à peu près inconnu à Paris? Cela pouvait être. Certaines femmes ont toutes les audaces. Mais alors, il fallait supposer aussi qu'elle savait que le vrai marquis ne reparaîtrait jamais. Et de là à conclure qu'elle l'avait fait tuer par son amant, il n'y avait qu'un pas. Le vicomte hésitait à la tirer, cette terrible conclusion. Ni Madame de Ganges ni Paul Cormier ne lui représentaient un de ces couples adultères qui cherchent le bonheur dans le crime et qu'ils l'y trouvent. Ceux-là sont rares et ils s'y prennent plus adroitement. Ils n'agissent pas comme des enfants. Ils ne se mettent pas à la merci d'un hasard. Ils ne s'exposent pas à être rencontrés par un ami ou même par une simple connaissance du mari supprimé. Et puis cet amant et cette maîtresse n'avaient pas du tout l'air de criminels. La marquise était douce et gaie. Paul Cormier, moins expansif, avait une physionomie ouverte qui inspirait la sympathie. Servan le trouvait à son gré, et il aurait eu quelques remords de le tromper avec sa femme, au temps où il le croyait marié. Il était donc très porté à croire que ce garçon n'avait pas le moindre assassinat sur la conscience. Mais après le voyage à la morgue, il ne pouvait absolument pas en rester là. Il ne voulait pas se mêler de leurs affaires, mais il voulait connaître la vérité. À qui s'adresser pour la connaître? Il regrettait déjà d'avoir congédié Brunachon, qui en savait probablement plus long qu'il n'en avait dit. Il était un peu tard pour courir après lui, et d'ailleurs il y aurait regardé à deux fois avant d'interroger sur la marquise un pareil drôle. L'interroger elle-même, en abordant carrément la question délicate, c'eût été plus loyal et plus digne. Mais le difficile, c'était d'arriver jusqu'à elle. Madame de Ganges avait refusé la veille de recevoir une lettre du vicomte de Servan. À plus forte raison refuserait-elle de recevoir le vicomte lui-même. À force de se creuser la tête, il finit par en faire jaillir une idée. Il lui vint à l'esprit que le moyen le plus simple et le plus honnête de se renseigner, c'était de demander à Paul Cormier de lui apprendre tout ce qu'il pouvait lui apprendre sans compromettre Madame de Ganges. De le lui demander poliment, doucement, après lui avoir exposé l'embarras où il était, depuis que le nommé Brunachon lui avait montré le cadavre du marquis, et en lui proposant de le servir, s'il pouvait lui être utile en cette grave circonstance. Paul Cormier, si le vicomte l'avait bien jugé, ne repousserait pas ses ouvertures courtoises. Peut-être même les accueillerait-il avec un certain plaisir. Il devait être embarrassé de sa situation, ce brave étudiant, et très désireux d'en sortir. Monsieur de Servan, en le prenant par la douceur, obtiendrait de lui bien des choses. Un aveu d'abord, qui ne serait pas par trop pénible, car un jeune homme peut bien jouer dans une comédie mondaine et passagère un rôle imposé par une femme qui lui plaît. Une fois entré dans cette voie, Paul Cormier pourrait bien en venir à se fier à un homme plus expérimenté que ne pouvait l'être un étudiant, et à lui demander des conseils, sauf à ne pas les suivre. Et si l'entrevue tournait à la conciliation, Servan se sentait très capable de lui en donner d'excellents, voire même de désintéressés. Servan n'était pas irréprochable. Il se permettait une foule de licences de conduite, mais en dépit de la vie à outrance qu'il menait, Servan avait gardé les sentiments d'un gentilhomme, et il était incapable d'abuser de la confiance d'un rival. Et d'ailleurs, il n'avait pas pour Madame de Ganges une de ces violentes passions qui font capituler la conscience d'un amoureux. Ce n'était qu'un goût très vif, aiguisé par la difficulté. En s'occupant d'elle, il ne cherchait qu'une liaison agréable, comme il en avait eu quelques-unes dans le monde où il vivait. Toute réflexion faite, il se décida à s'aboucher, le plus tôt qu'il pourrait, avec Paul Cormier. Il n'espérait plus le rencontrer dans la rue. Les hasards, comme celui qui venait de les mettre en présence l'un de l'autre, n'arrivent pas tous les jours. Le vicomte n'avait donc qu'un moyen de voir le faux marquis. C'était d'aller chez lui, à l'adresse indiquée par Brunachon. Servan était persuadé qu'il l'y trouverait. Cormier, en le quittant, lui avait dit qu'il allait rejoindre sa femme qui dînait en ville. Évidemment, il avait menti, puisqu'il n'était pas le mari de Madame de Ganges, et il avait dû rentrer à son domicile de la rue Gay-Lussac. Servan s'y fit conduire dans la Victoria qui l'avait amené à la morgue, et qu'il renvoya en arrivant rue Gay-Lussac. Il était las de rouler en fiacre, et il prévoyait qu'il éprouverait le besoin de marcher, après l'explication qui serait peut-être longue. Malheureusement, le portier du numéro 9 lui dit que M. Cormier n'était pas rentré, et au ton de la réponse, Servan vit bien qu'il ne mentait pas, par ordre de son locataire. Assez ennuyé de ce contretemps, le vicomte dut se résigner à regagner la rive droite, à pied, puisqu'il avait lâché sa Victoria. Il se mit donc à descendre le boulevard Saint-Michel, dans le très vague espoir d'y croiser son homme. Mais en lisant sur une maison d'angle le nom de la large rue, qui va du Luxembourg au Panthéon, il se rappela tout à coup que l'étudiant au chapeau pointu avait crié à son camarade de rester sur le banc aux Champs-Élysées « Va m'attendre au café Soufflot, j'y serai dans 2 heures ». Les 2 heures étaient presque écoulées, et Paul Cormier n'avait pas dû manquer au rendez-vous. Il ne s'agissait plus que de trouver le café Soufflot, et ce n'était pas difficile. Il devait être situé dans la rue du même nom, devant laquelle Servan passait en ce moment. Et Servan, tournant à droite, s'y engagea immédiatement, sans trop savoir comment, il allait s'y prendre pour y découvrir l'étudiant, qui se tenait peut-être au fond de quelques salles, avec des camarades. Il eut la chance de l'apercevoir attablé à l'extérieur, tout seul, en face d'un verre de vermouth, et absorbé dans la lecture d'un journal du soir. On dîne de bonne heure au quartier latin, surtout l'été, afin d'avoir le temps d'aller au Luxembourg en sortant de table. La terrasse du café s'était vidée peu à peu, et il n'y restait guère que Paul Cormier attendant son ami, et se tourmentant de ne pas le voir arriver. Pour tromper son impatience, il s'était mis à lire un journal. Il y avait trouvé un long article de reportage où il était question de l'affaire du boulevard Jourdan, assez mal exposé et présenté comme un assassinat. Paul, que ce fait divers intéressait particulièrement, y apportait tant d'attention qu'il ne vit pas venir M. de Servan, qui put prendre place à la table voisine sans que le liseur levât les yeux. « Bonjour, monsieur, c'est encore moi, » dit presque gaiement le vicomte. « La journée m'est heureuse à vous rencontrer. » « En effet, » balbutia l'étudiant, « je ne m'attendais pas. » »« À me revoir si tôt ? » ?»« Et vous devez être étonné de me trouver si souvent sur votre chemin. » Cette fois, le hasard y est encore pour quelque chose. Mais le hasard n'a pas tout fait, car, pourquoi vous le cacherais-je ? Je viens de chez vous. Je ne vous y ai pas trouvé, et je vous cherchais. « De chez moi, » murmura Cormier, qui en était encore à croire que M. de Servan le prenait toujours pour le marquis de Ganges. « Mon Dieu, oui, » dit le vicomte, de l'air le plus naturel du monde. « Je suis allé vous demander rue Gay-Lussac. Et votre portier, m'ayant répondu que vous n'étiez pas rentré, j'ai pensé que je vous rencontrerais peut-être dans ce quartier. » Paul ouvrit la bouche pour nier. Mais il lut sur la bouche de M. de Servan que ce serait inutile. Et il attendit la suite. « C'est vous dire, cher monsieur, » reprit le vicomte, « que je sais qui vous êtes, et je m'empresse d'ajouter que je ne viens pas vous chercher querelle à propos de l'erreur où je suis tombé. Je ne viens pas même vous demander des explications, dans le sens que le plus souvent on attache à ce mot-là. Alors, monsieur, je ne vois pas. Laissez-moi achever, je vous prie. Vous n'avez pas plus que moi oublié ce qui s'est passé dimanche chez Madame de Zulé, ni notre rencontre le soir de ce dimanche à la closerie des Lilas. Tout à l'heure, quand je vous ai revu aux Champs-Élysées, j'en étais encore au même point. Pas tout à fait, cependant, car je vous ai trouvé causant avec un jeune homme que j'avais remarqué au bal de Bullier, et qui ne peut être qu'un étudiant. Maintenant que je suis mieux renseigné, je ne tiens pas à l'être davantage que sur un seul point. J'ai souvent rencontré dans le monde Madame la marquise de Ganges. J'ai pour elle le plus profond respect, et Dieu me garde de rien faire ou dire qui puisse nuire à sa réputation. Mais ce que je viens d'apprendre par hasard, d'autres que moi peuvent l'apprendre aussi. Vous avez des camarades qui savent que vous n'êtes pas le marquis de Ganges. Si l'un d'eux, à ce bal le dimanche, m'avait entendu vous donner ce titre, vous vous seriez trouvé dans une situation très difficile. » Le vicomte ne croyait pas si bien dire, car il n'avait pas vu s'engager la querelle avec le vrai marquis. « À cela, reprit-il, il n'y aurait encore que demi-mal. Mais qu'un homme reçu dans les salons où va Madame de Ganges vienne à connaître votre véritable nom, Qu'arrivera-t-il? De quoi ne l'accuserait-on pas? Eh bien, monsieur, je suis venu vous dire que je serais prêt à la défendre. Mais pour que je puisse la défendre utilement, il faut que je sache ce qui s'est passé. Et c'est à vous que je m'adresse pour le savoir. » Paul fit un haut-le-corps, et peu s'en fallut qu'il ne s'écria « Pour qui me prenez-vous ? » Mais le vicomte s'empressa d'ajouter « Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je ne cherche pas à surprendre le secret de vos relations avec elle, mais si, comme j'en suis convaincu, Madame de Ganges n'a rien à se reprocher, je voudrais être renseigné, afin d'être en mesure de faire cesser les propos malveillants. En un mot, monsieur, je viens vous demander ce que je devrais répondre si on l'accusait en ma présence. Ma démarche vous semble peut-être étrange, mais si vous voulez prendre la peine de réfléchir, vous y verrez une preuve du cas que je fais de vous et de la sympathie que vous m'inspirez. » Ce fut si bien dit que Paul Cormier s'abandonna au mouvement qui le poussait à se confier au gentilhomme, qui lui tenait ce langage chaleureux et persuasif. « Monsieur, commença-t-il avec émotion, je vous crois, et je vais vous confesser la vérité. C'est moi qui suis cause de tout ce qui est arrivé. J'ai rencontré dimanche Madame de Ganges, dont j'ignorais le nom, et que je n'avais jamais vue. Sa beauté m'a frappé, et je me suis permis de la suivre. Suivre une jolie femme dans la rue, ce n'est pas un cas pendable, » dit en souriant le vicomte, qui était coutumier du fait. Je l'ai suivie dans les Champs-Élysées, jusqu'à l'avenue d'Antin, où elle allait, et là, quand elle est entrée, sans s'apercevoir que j'étais presque sur ses talons, dans l'hôtel de cette Madame d'Ozulé, j'y suis entré avec elle. Le domestique qui annonçait ne connaissait pas M. de Ganges. Et il a annoncé M. le marquis et Madame la marquise. C'est très drôle, et ce serait charmant au théâtre. Vous ne me croyez pas? Mais si. Je vous déclare même que l'idée m'était venue. Pas ce jour-là, mais depuis, qu'il n'y avait dans tout cela qu'une méprise. Je m'étonne seulement que Madame de Ganges n'ait rien dit. Elle a perdu la tête. Elle comptait que j'allais me retirer après m'être excusé, et c'est ce que j'aurais dû faire. Lorsqu'elle a vu que je restais et que j'acceptais les félicitations que la baronne adressait au marquis de Ganges, elle a continué à se taire. Je comprends maintenant pourquoi elle s'est éclipsée avant la fin de notre partie de baccarat. Vous avez dû être bien embarrassée. Pas trop. J'espérais ne jamais revoir les personnes qui se trouvaient chez Madame d'Ozulé. Vous deviez bien penser cependant que je vous enverrais, avenue Montaigne, la somme que je croyais avoir perdue contre le marquis. Je vous jure, monsieur, que je n'y avais pas songé, et tout à l'heure, quand vous me l'avez remise, j'ai été sur le point de la refuser. Je l'ai bien vue, mais quand vous m'avez rencontré, dimanche soir, à la closerie des Lilas, vous avez dû me maudire. J'en conviens. Et tout à l'heure, encore, en vous voyant paraître, vous m'avez donné à tous les diables. J'espère que vous voilà rassuré sur mes intentions. Maintenant, me permettez-vous de vous demander si vous avez revu Madame de Ganges. Je me hâte d'ajouter que vous n'êtes pas obligé de me le dire. Pourquoi m'en cacherais-je? Je l'ai revue une seule fois, hier, chez elle. Elle vous avait donc donné son adresse? Paul ne s'attendait pas à cette question, et il aurait bien pu rester court, mais s'il eut la présence d'esprit de répondre. Je savais son nom. Je n'ai pas eu de peine à trouver son adresse. Je n'ai eu qu'à feuilleter le tout Paris. L'explication venait à propos, car pour en fournir une autre, Paul Cormier eût été obligé de dire que c'était le marquis lui-même qui lui avait donné l'adresse de sa femme, et il comptait que cet entretien plein de périls allait en rester là. Paul Cormier n'avait garde de parler de la mort tragique de M. de Ganges. Il croyait avoir fait la part du feu en avouant qu'il s'était laissé donner un nom et un titre qui ne lui appartenaient pas, et il avait eu soin de passer sous silence le commencement de l'aventure, la rencontre au Luxembourg et le voyage en fiacre de Luxembourg au rond-point des Champs-Élysées, épisode compromettant pour la marquise. Il espérait bien qu'il n'en serait plus question, et que M. de Servon ne tarderait pas à lever la séance. Pour l'y décider, il lui dit chaleureusement « Monsieur, je me défiais de vous parce que je ne vous connaissais pas. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier de tout mon cœur de m'avoir mis à même de justifier Madame de Ganges, et j'ai le devoir de vous apprendre qu'elle ne me retrouvera pas sur son chemin. Je suis rentré dans ma peau d'étudiant, et je n'en sortirai plus. Vous aurez du mérite à disparaître ainsi, car elle est charmante, la marquise, et vous auriez bien pu aspirer à lui plaire. Est-elle informée de votre résolution? Oui, et elle l'approuve. Je comprends, elle est mariée. Peut-être changerait-elle d'avis si elle venait à perdre son mari. » Cormier ne dit mot. Il se demandait déjà pourquoi le vicomte lui posait cette question. « C'est une éventualité à prévoir, » reprit M. de Servon. « Et si Madame de Ganges était veuve, vous pourriez l'épouser, en admettant qu'elle voulût de moi. Pourquoi pas? Les femmes aiment les audacieux. je parierais bien qu'elle vous a su bon gré de l'avoir suivie jusque dans le hall de la baronne. Elle me l'a très amèrement reproché. En pareil cas, les femmes me disent toujours le contraire de ce qu'elles pensent. Si j'étais à votre place, cher monsieur, je profiterais de mes avantages pour me faire agréer. Vous ne savez peut-être pas qu'elle est fort riche. Je le crois et peu m'importe, répliqua l'étudiant un peu piqué. Je ne suis pas sans fortune, et je ne cherche pas à faire un mariage d'argent. Si je me risque à vous indiquer celui-là, c'est que je viens d'apprendre une chose, que certainement vous ignorez, et qu'il est bon que vous sachiez. Monsieur de Ganges est mort. Qui vous l'a dit ? Demanda étourdiment Paul Cormier. Vous le saviez donc ? Riposta le vicomte. Non, c'est-à-dire, je supposais. Eh bien moi, je n'en aurais rien su si un homme qui a connu monsieur de Ganges ne m'avait pas montré son cadavre. Son cadavre ? Répéta Paul Cormier, qui pâlissait à vue d'œil. Oui, cher monsieur, à la morgue, où il est exposé. Le marquis est mort de mort violente. On croit qu'il a été assassiné. Paul eut un geste de dénégation. Qu'il l'ait été ou non, madame de Ganges a un gros intérêt à être informée de cet événement, ne fût-ce que pour faire constater le décès qui la rend libre, à moins qu'elle n'aime mieux, par des raisons que j'ignore, rester dans le statu quo. Mais il me semble qu'elle n'a pas le choix. L'homme qui a reconnu le corps a dû aller faire sa déclaration. Pas encore. Il n'y a pas de temps perdu, car la reconnaissance vient seulement d'avoir lieu. J'y étais. Vous, monsieur ? Oui, et c'est ce qui m'a déterminé à me mettre immédiatement à votre recherche. J'ai cru que mon devoir, en cette triste circonstance, était de renseigner madame de Ganges. Je serais allé chez elle si je n'avais craint de n'être pas reçu. Je ne le serais pas plus que vous, dit Paul en secouant la tête. Il ne regrettait guère qu'on n'annonçât pas à la marquise un événement qu'elle connaissait déjà depuis 24 heures. Vous pouvez du moins lui écrire. Si vous ne le faisiez pas, je le ferais, car il y a urgence. Pourquoi ? Les mauvaises nouvelles arrivent toujours assez tôt, murmura Paul, qui ne disait pas le véritable motif de la tiédeur qu'il mettait à entrer dans les vues de monsieur de Servan. Bon, s'il ne s'agissait que d'une mauvaise nouvelle, que madame de Ganges connaîtra tôt ou tard. Mais un danger la menace. Quel danger ? Demanda l'étudiant. Je ne vous ai pas dit par qui le corps du marquis vient d'être reconnu. Par un de vos amis, je crois. Non pas. Aucun de mes amis ne connaissait monsieur de Ganges quand il vivait. L'homme dont je vous ai parlé est un mauvais drôle, qui a fait toutes sortes de vilains métiers et qui a beaucoup vu le marquis à Monaco, où il jouait encore tout récemment. Vous allez me demander comment j'ai connu, moi, un individu de cette espèce. C'est bien simple. Il a été jadis garçon dans un cercle où j'allais quelquefois. Je l'ai rencontré un instant après vous avoir quitté. Il m'a abordé pour me demander un secours que je ne lui ai pas refusé. Et sans doute pour me remercier, il m'a appris qu'il venait de voir à la morgue le corps du marquis. Comment sait-il que je connais la marquise ? Je l'ignore, mais il le sait. Comme je n'avais pas l'air de croire beaucoup à la nouvelle qu'il m'apprenait, il m'a proposé d'y aller voir. Et, par curiosité, j'y suis allé. Pas dans la même voiture que lui, je vous prie de le croire. Et il m'a montré sur les dalles de la morgue un cadavre. Il m'a affirmé que c'était celui du marquis, et je ne doute pas que ce soit vrai. Je ne vois pas ce qu'il gagnerait à mentir, tandis que je vois très bien ce qu'il gagnera à exploiter le secret qu'il a découvert. L'exploiter, comment ? En faisant chanter madame de Ganges, en la menaçant, par exemple, de la dénoncer comme ayant fait assassiner son mari. Paul Cormier fit le mouvement d'un homme qui voit tout à coup s'ouvrir à ses pieds un précipice sans fond. Il avait bien eu déjà de vagues inquiétudes. Il s'était demandé si on ne le soupçonnerait pas d'avoir trempé dans un complot organisé pour supprimer un mari gênant. Mais ce malheur était si peu probable qu'il ne s'en était pas beaucoup préoccupé. Et voilà que ses craintes prenaient un corps. Il existait un misérable qui se préparait à menacer madame de Ganges, en lui proposant de lui vendre très cher son silence, comme un autre coquin avait essayé, la veille, de l'intimider, lui, Paul Cormier, simple témoin du duel, où le marquis était resté sur le carreau. Il y avait de quoi s'effrayer, et se renseigner afin de se préparer à se défendre. « Vous venez de m'apprendre d'où sort ce venimeux gredin, dit-il, et je vous en remercie, mais je voudrais bien savoir son nom. » « Il s'appelle Brunachon, répondit sans hésiter le vicomte. Brunachon, c'était le chenapan qui, dans le cabinet du juge d'instruction, avait désigné Paul Cormier comme ayant pris part au meurtre commis sur le boulevard Jourdan. Et ce même coquin avait découvert que Paul Cormier était en relation avec madame de Ganges, Paul Cormier qui avait refusé de donner 10 000 francs pour obliger le drôle à se taire. C'était un comble, le comble du malheur, ou plutôt de la déveine. Car il aurait fallu que la justice eût sur les yeux 3 bandeaux, au lieu d'un, pour qu'elle en vînt à condamner des innocents. Mais c'était beaucoup trop qu'elle les soupçonnât. « Est-ce que vous connaissez cet homme-là » demanda M. de Servan. « Non, articula péniblement l'étudiant. « Mais il se peut qu'il me connaisse. Il me fait l'effet de connaître tout le monde. C'est un peu ça, et il a une rude mémoire. J'en ai eu la preuve à la morgue. « Que me conseillez-vous ? » demanda tout à coup Paul Cormier. « Puisque vous me consultez, je vous conseille de prendre les devants, c'est-à-dire d'aller trouver le juge d'instruction qui est chargé de cette affaire, d'y aller après vous être concerté avec Madame de Ganges, qui est toujours la principale intéressée. » Le conseil était peut-être excellent, mais il venait trop tard, puisque Paul Cormier avait été interrogé la veille. Jean de Mirande devait l'être au moment où le vicomte parlait, et son camarade s'inquiétait déjà de ne pas le voir arriver. Que faire en attendant qu'il reparût ? Comment différer encore de donner une réponse catégorique à M. de Servan, qui, tout en affectant de se désintéresser de la situation, insistait pour tâcher d'en savoir plus long que Cormier ne voulait lui en dire ? « Je ne puis rien faire avant d'avoir revu mon camarade, » répondit enfin Paul. « Bon, mais quand le reverrez-vous ? Il ne peut pas tarder beaucoup maintenant. J'ai entendu ce qu'il a dit tantôt, en vous quittant aux Champs-Élysées, qu'il serait au Café Soufflot dans 2 heures. C'est même ce qui m'a donné l'idée de vous y chercher. Mais il se peut qu'on le retienne plus longtemps qu'il ne pensait. Dans ce cas, je serais obligé de vous quitter. » Cormier devina que si le vicomte levait la séance, ce serait pour courir chez la marquise, afin de se donner le mérite de la renseigner le premier sur la tournure que semblaient prendre les événements. Et quoi qu'il en eût dit, Cormier n'était pas du tout disposé à se désintéresser des affaires de Madame de Ganges. D'un autre côté, il craignait de mettre le feu aux poudres en abouchant le vicomte avec Mirande, qui était discret comme un coup de canon. « Mais le voici, votre camarade, » s'écria M. de Servan. « Je vois poindre là-bas l'étonnant chapeau pointu qu'il a l'habitude de porter. » La question était tranchée. L'explication à deux allait se continuer par une explication à trois. Car c'était bien Jean de Mirande qui montait la rue Soufflot, en se balançant sur ses hanches comme un tambour-major d'autrefois. Et grâce à sa taille de 5 pieds 10 pouces, on l'apercevait d'aussi loin que s'il eût porté au haut de son feutre un plumet gigantesque. « Eh bien, monsieur, » s'empressa de dire Paul Cormier, « je vais me concerter avec lui. Et si vous voulez bien me faire savoir où je pourrais vous rejoindre ce soir, dans 1 heure ?»« À quoi bon perdre du temps ?» répliqua le vicomte. « Présentez-moi ce jeune homme, ou présentez-moi à lui, comme il vous plaira. » « Nous nous communiquerons les renseignements que chacun de nous a pu recueillir sur cette singulière affaire, et après nous délibérerons en connaissance de cause. C'est un homme comme il faut, n'est-ce pas ? Très comme il faut, mais... C'est bien, je vais me présenter moi-même. » Ayant dit, le vicomte se leva. Paul se leva aussi, et tout surpris de cet accueil cérémonieux, Mirande, qui n'était plus qu'à 2 pas, ne put moins faire que de lever son chapeau en lançant à Cormier un regard qui signifiait évidemment « Qu'est-ce qu'il nous veut encore cet animal-là ? Et pourquoi est-ce que je le trouve sans cesse sur tes talons ? » Paul jugea prudent de laisser M. de Servan s'expliquer, et M. de Servan commença par une explication qui ne fit qu'embrouiller la situation déjà fort embrouillée. « Monsieur, dit-il, je n'ai pas encore l'honneur d'être connu de vous, mais vous savez comment j'ai connu votre ami, M. Cormier. »« Moi, je ne m'en doute pas, » répliqua sèchement Mirande. Nous nous sommes rencontrés dimanche dernier chez la baronne d'Ozulé, qui recevait ce jour-là quelques dames. Entre autres, Madame la marquise de Ganges. Je n'en savais absolument rien, et il m'est tout à fait indifférent de l'apprendre. Alors, vous ne connaissez pas du tout cette marquise ? De nom seulement. Ganges est un nom du Languedoc, et j'en suis du Languedoc. J'ai vu aussi, dimanche soir, un monsieur qui prétendait être le marquis de Ganges. Seulement, mes relations avec lui n'ont pas été de longue durée. Mirande répondait avec une douceur et une prudence qu'on n'aurait guère attendu de lui. Paul Cormier n'en revenait pas. « Maintenant, » reprit Mirande, sans élever la voix, « j'ai répondu, monsieur, à toutes les questions que vous m'avez posées. Il me semble que c'est à mon tour de vous demander de quel droit m'interrogez-vous. J'aurais dû, je le reconnais, commencer par vous le dire, puisque votre ami a oublié de me nommer, à vous. Je m'appelle le vicomte de Servan. Et vous, monsieur ? Moi, je suis Jean de Mirande, et je crois que mon nom vaut le vôtre. J'ignore quelles affaires vous pouvez avoir avec Cormier, et je ne tiens pas à le savoir. » Mais je veux savoir ce que vous me voulez. Je suis venu renseigner votre ami, et vous renseigner vous aussi, monsieur. Sur quoi, je vous prie ? Sur la mort de ce marquis de Ganges, dont vous venez de parler, et cela dans votre intérêt, comme dans l'intérêt de M. Cormier. Vous êtes vraiment trop bon, dit l'étudiant avec une grimace ironique, mais je n'ai que faire de vos renseignements, ni lui non plus, car je lui en rapporte. J'en ai les mains pleines de renseignements. Et comme Paul lui lançait des regards pour le prier de se taire, « Tant pis pour toi, mon cher. Si tu m'avais prévenu qu'il y avait là-dessous je ne sais quelles histoires, que je ne connais pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Au contraire, tu m'as poussé à aller voir le juge de l'instruction. Eh bien, j'en sors de son cabinet. Après une séance de 2 heures, je lui ai tout dit. Il sait maintenant que c'est moi qui ai tué l'homme. » Jean de Mirande n'y allait plus, comme on dit, par 4 chemins. Il commençait par dire devant M. de Servan « J'ai tué l'homme ». Et M. de Servan était déjà bien assez renseigné pour deviner que l'homme, c'était le marquis de Ganges. Cette déclaration avait au moins l'avantage de simplifier la situation, en rendant inutiles les feintes et les réticences. Il ne restait plus qu'à Paul Cormier qu'à confesser franchement au vicomte le rôle qu'il avait joué dans cette affaire du duel. Paul avait eu le tort de s'en tenir avec ce gentilhomme à des demi-confidences. Il aurait 100 fois mieux fait de tout dire dès le commencement. À Jean de Mirande non plus, il n'avait pas tout dit, puisqu'il lui avait caché son aventure du Luxembourg et les suites qu'elles avaient eues. De là l'imbroglio inextricable où ils s'agitaient tous les trois. Il était temps que la brusque franchise de l'ami Jean y mit fin. Maintenant qu'il était lancé, il ne s'arrêtait pas en si beau chemin. Et du reste, ni le vicomte ni l'étudiant n'avaient envie d'arrêter ce Saint-Jean-Bouche d'or qui allait très probablement, si on le laissait continuer, leur épargner de longues explications. « Oui, reprit-il, je lui ai dit que c'est moi qui me suis battu et que tu n'as fait que me servir de témoin. » J'ai même commencé par là, sans attendre qu'il m'interrogeât, et je n'ai pas oublié de parler du soufflet que j'ai campé à cet homme, et qui a rendu le duel inévitable. Je me suis, comme tu vois, donné tous les torts. Et j'ai bien fait, car il a pris assez tranquillement la chose. Ça m'a l'air d'un brave garçon, ce fils de ce vieil avocat, dont tu m'as tant rebattu les oreilles. Nous lui devons, toi et moi, une fière reconnaissance, dit Paul. Si nous avions eu affaire à un autre magistrat, nous ne causerions pas en ce moment devant ce café. Je crois qu'il a eu bonne envie de m'envoyer en prison. Mais il est revenu de cette idée en causant avec moi. Je vais avoir à consigner 25 000 francs, dont le dépôt garantira que je ne brûlerai pas la politesse à la justice de mon pays. C'est bête le code. Comme si ça m'empêcherait de décamper, si je me croyais coupable. Il paraît que de toi, on n'exigera pas de caution, ni des 3 farceurs qui nous ont si bien lâchés après le duel. Est-ce que tu les as nommés ? Non, la police les a dénichés ce matin. Ils n'ont pas pu se tenir de raconter l'affaire à d'autres gamins. Tout le quartier la connaît. On les a priés de passer au palais, et quand je suis sorti du cabinet de ton monsieur Bardin, ils les y attendaient. J'aime autant ne pas les y avoir rencontrés, car je n'aurais pas pu m'empêcher de leur dire ce que je pense d'eux. Voilà où nous en sommes. Quant à la suite, je ne sais rien, je ne prévois rien. Ça peut finir par une ordonnance de non-lieu, mais ça finira plus probablement devant la cour d'assises, où nous serons acquittés haut la main. Alors, l'accusation d'assassinat ? Il n'en est plus question. Ça ne tenait pas debout. Te voilà rassuré, je crois. Ah, j'oubliais. Il paraît que, décidément, c'est le marquis de Ganges que j'ai tué. Le juge a reçu un télégramme de Nice qui ne laisse aucun doute. Je suppose d'ailleurs que tu savais déjà à quoi t'en tenir, puisque tu connais sa femme, c'est-à-dire sa veuve. Quand il te plaira de me mettre au courant de tes relations avec elle, je t'écouterai volontiers. Maintenant que j'ai parlé devant monsieur, comme si monsieur était un de tes plus anciens amis, devant monsieur que je n'avais jamais vu. Vous ne vous en souvenez pas, mais nous nous sommes déjà rencontrés, interrompit doucement le vicomte. Où donc ? D'abord à la closerie des Lilas, dimanche dernier. Je causais avec monsieur Cormier, et je venais de le quitter quand vous l'avez rejoint. Alors vous avez dû assister à la querelle ? Non, pas même au commencement. Et aujourd'hui, je vous ai revu près du rond-point des Champs-Élysées. Vous étiez assis sur un banc à côté de votre ami. Oui, et quand je me suis aperçu que vous alliez aborder Cormier, j'ai filé sans vous regarder. Mais je vous reconnais, et je ne mets pas en doute que vous soyez lié avec Paul. C'est pour cela que j'ai parlé devant vous de ma visite au juge d'instruction. Il me semble que le moment serait venu pour vous de me renseigner un peu sur... Sur tout ce que vous voudrez, monsieur, dit avec empressement le vicomte. Ou pour mieux dire, sur tout ce qui peut vous intéresser. Je vous ai dit que j'étais et où j'avais rencontré M. Cormier. Il me reste à vous expliquer les suites de cette rencontre et le rôle que Mme de Ganges y a joué. Précisément. Mon rôle à moi a été très effacé et je ne l'ai pas cherché. Votre ami le sait bien et je tiens à le consulter avant de vous répondre au sujet de la marquise. M'engage-t-il à vous raconter des faits qu'il connaît aussi bien que moi ou bien préfère-t-il les raconter lui-même ? Je m'en rapporte entièrement à sa décision. « Il vaut mieux que ce soit moi, » dit Paul sans hésiter. « C'est aussi mon avis. Je laisserai donc M. Cormier vous éclairer sur une situation très délicate pour lui, pour Mme de Ganges et pour moi, si je m'en mêlais, à ce qu'à Dieu ne plaise. Je n'en reste pas moins à votre disposition, messieurs. Vous me trouverez toujours prêt à vous servir. » Le vicomte n'alla pas jusqu'à la poignée de main que Mirande aurait peut-être refusée. Il salua poliment et il s'en alla par le boulevard Saint-Michel.